Allons-y, bonjour. Bonjour. Là, vous demandez peut-être pourquoi je vous dis bonjour, que ça fait maintenant 1h30 que nous sommes ensemble. 1h36. Bon, je dis bonjour car aujourd'hui c'est le bonjour puisque nous sommes le 11 novembre. Le 11 novembre qui, comme par hasard, tombe juste après le 10 novembre. 10 comme Jean-Paul 10. Finalement, il n'y a pas de hasard, tout est écrit, même ma chronique. Alors pourquoi le 11 novembre est-il un jour spécial? Parce que ce jour-là, dans la clairière de Rotonde, dans un wagon-restaurant d'un train, la paix a été signée. Et oui, c'est une chronique historique. Et ça, c'est un exploit. Parce que quand on se rend dans la voiture bar du TGV un jour férié comme le 11 novembre, et qu'il y a d'un côté les personnes qui arrivent de la première, et de l'autre ceux qui arrivent de la seconde, pour se faire servir, c'est plutôt la guerre. Alors, en ce 11 novembre, j'ai donc décidé de rendre hommage à un illustre inconnu. Le soldat inconnu. Ah, mais oui, mais voilà. Alors, pourquoi faire le portrait de... Alors, pourquoi, Floriane, faire le portrait de quelqu'un d'inconnu? Pour le rendre connu, justement. Ça évitera que tous les ans, des personnes aillent se geler, ce que vous voulez. Floriane, dans des tenues ridicules, sous l'arc de triomphe, pour rendre hommage à une personne qu'elles ne connaissent pas. Alors, à défaut de ranimer la flamme de Sophie Marceau, j'ai donc décidé de ranimer celle du soldat inconnu. Et puis d'abord, pourquoi rallumer la flamme du soldat inconnu? C'est un des grands mystères de l'histoire. Personne ne sait qui est cet homme, mais on sait quand même qu'il avait un briquet, puisqu'on rallume sa flamme. Je suis donc parti de cet indice pour démarrer mon enquête et découvrir sa véritable identité. S'il avait un briquet, c'est donc qu'il fumait. Je sens qu'on avance. À moins que l'information ne se soit transformée au fil des années. Ça fait quand même près d'un siècle qu'il est mort, et donc fort possible que les personnes encore capables de raconter cette histoire aient des problèmes d'audition. Elles ont peut-être cru entendre briquet, alors que c'est les gens en fait de sobriquet. Et je suis tout seul. Si le soldat inconnu avait un surnom, ça expliquerait le fait que l'histoire n'ait pas retenu son vrai nom. Les cas sont fréquents dans l'histoire, hein. Je mets au défi quiconque de me dire aujourd'hui quel est le vrai nom de Toto, Oui-Oui, ou encore Bob l'éponge. Même Thibaut, il le sait pas. Je sens qu'on avance. Que sait-on encore de lui? Qu'il était poilu, donc hipster. On devrait donc pouvoir commencer à le localiser. Où peut-on trouver la plus forte communauté d'hipsters en France? Donc à Paris. Pour eux, la province n'existe pas. Autour du canal Saint-Martin, dans le 10e. 10e arrondissement, 10 comme Jean-Paul. Ouais, y a pas de hasard, tout est écrit. Oui, je me répète, c'est chronique. Encore plus fort, et là je sens qu'on brûle, comme disait le soldat sous la flamme. Le 11 novembre, c'est la Saint-Martin. Comme le canal, il n'y a pas de hasard, je sens qu'on avance. Surtout si on considère le dicton du jour du 11 novembre qui est « Tue ton cochon à la Saint-Martin et invite ton voisin ». Le soldat inconnu était donc un hipster qui portait un surnom mais qui n'avait pas de briquet, qui habitait près du canal Saint-Martin, qui possédait un cochon et qui avait un voisin. Je sens qu'on avance. Si, comme la majorité des soldats, il avait 20 ans au moment de la guerre, on peut en déduire qu'il avait de fortes probabilités qu'il soit né en 98. 98, l'année de la victoire de la France sur le Brésil en Coupe du Monde de foot. Cette année-là, le capitaine des Bleus, couleur des uniformes des soldats, était Deschamps. Or, il se trouve que le soldat inconnu est mort au champ d'honneur. Et si certains d'entre vous ont encore des doutes, j'enfoncerai le clou, pas trop fort, dirait Jésus, en vous rappelant juste que l'arc de triomphe se trouve en haut des champs. Deschamps, il n'y a pas de hasard, tout est écrit, etc. Mais alors, quel est son nom? Une chose est sûre, il ne s'appelle pas Ryan, puisque le soldat Ryan a été sauvé. Merci. Spoiler. Merci Gilles. Non, ce n'est pas Gilles qui l'a sauvé, il avait autre chose à faire. Oui. C'est Gilles qui me l'a dit. J'avais pas vu le film, désolé Léa. Spoiler. Et puis Ryan, comme non, ça fait pas très sérieux, pourquoi pas Kevin ou Brandon pendant qu'on y était. Non, il faut chercher ailleurs, plus près de nous. Un soldat inconnu, un inconnu. Passe-partout. Ah là là. Oh, ça va loin. Il l'a fait. Et en plus, il habite dans un fort, je sens qu'on avance. Passe-partout qui serait mort, dévoré par un tigre de Felindra. Attendez, mais dans ce cas, ça veut dire que le tigre qui est enterré sous l'arc de triomphe, c'est lui qui était... C'est le tigre qui a enterré. Le tigre. Le tigre, c'était le sobriquet de... Clémenceau. Eh oui, Clémenceau, le père de la victoire, la Première Guerre mondiale. Clémenceau est donc le soldat inconnu. Ça peut pas être une coïncidence, il n'y a pas de hasard, tout est écrit, même ma chronique. Alors vous allez me dire Clémenceau, le soldat inconnu, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est exactement ce que l'on disait la semaine dernière à propos de la victoire de Donald Trump. Alors, tout est possible. Merci.